sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Entar Brezonek. Alors comme d'habitude, on commence par Gary ou Arvué. Aujourd'hui, l'émission 354, Trihan Pevar à Hunterkan. Matri. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu sur nos pluriels de noms d'animaux. On avait vu un peu les pluriels réguliers la dernière fois, hein, ceux qu'on peut faire en ajoutant « et » simplement. Et alors, il y a beaucoup de pluriels de noms d'animaux qui sont irréguliers en fait. Et donc il y en a pas mal qui se terminent par des i. Hein. Donc il y avait peut-être une terminaison en i mais qui a modifié l'intérieur du singulier. Par exemple, si on prend Brand par exemple, hein, corbeau. Mm-hmm. Brand puisque c'est du féminin. Donc au pluriel Brini. Alors Brini, Brini, hein. Voilà, donc des corbeaux. Alors Blay, on va avoir Blazy, hein. C'est pour ça qu'il y a un Z à la fin de Blay, hein. Il se prononce pas, mais il sert au pluriel, hein. Blazy, hein. Il y avait toutes sortes de loups, Blazy Rue, hein, par exemple, hein. Voilà. Et puis bon, dans plein d'histoires, il y a le loup, hein. Le loup en Bretagne a eu une grande importance. Il y a beaucoup de noms de lieux aussi. Voilà. Alors Houat par exemple, Houat canard, qui donne Houdi. Hein, donc un peu la même construction. Clujard. Quoi? Non, la bécasse. Non, là, qu'est-ce que je raconte? Non, la perdrix. Ah. La perdrix, non, c'est, la bécasse c'est Kevlek. Hein. Dans la perdrix, donc, il donne Clujuri. Et on a aussi, par exemple, le cerf. Cerf ou renne, d'ailleurs, hein, c'est le même mot. Carve, qui donne Kirvi. Voilà. D'autres pluriels en i, par exemple, Guenili, les hirondelles. Mm-hmm. Alors, dont le singulier est composé à partir de ce pluriel, c'est Guenidel, hein, par exemple. Enfin, ici, on dit Guenidel. Tousek, Tousegi. Hein, et Merle, Moulri. Voilà. Et alors, Gawar aussi, hein, chèvre, Giouri, mm-hmm. Givri. Donc, pas mal de pluriels en i, comme ça. Alors, autrement, il y a divers pluriels hein, qui n'ont pas vraiment de règles. Hein. Par exemple, Louarn, qui donne Lerne. Mm-hmm. Lerne. Hein. On trouve un peu même pluriel dans Houarn, hein, le fer, qui donne Herne, mm-hmm. les fers. Hein. Voilà. Jo et Mar, qui vont donner Tiezek, hein, les chevaux. Très irrégulier celui-là. Oui, oui, oui. Alors il y a des endroits où on dit l'homme Tiezek hein, pour un cheval. Ah, c'est-à-dire on fait un singulatif à partir du pluriel. Yar qui donne Yir, hein, ou Yer, hein, ça s'écrit Yer, mais nous on dit Yir. Gat, donc lièvre qui donne Guédon. Hein. Alors le pluriel de vache, complètement irrégulier, mais en fait c'est pas la même origine. Björ ou Vör, hein, Bör, qui donne Zout. Hein. Donc là c'est une origine, ça vient de Solidus, hein, qui veut dire sous en latin, donc, ça n'a, donc une vache des sous. Voilà. Marmous, donc singe, marmouchen. Et puis alors les différents mots qui désignent le porc selon les régions, porrel ou pémor, qui vont donner mort, hein. Mm-hmm. Mort donc des cochons, des porcs. Ici on dit porrel, non? Ici on dit porrel, oui. Ailleurs, dans d'autres endroits, c'est pémor ou même cochon. Ah oui. Ouais, dans le Morbihan, il y a des endroits où on dit. Mais le pluriel, c'est mort. Et quand il s'agit de sangliers, c'est morgué. Voilà. Et puis alors, il y a une autre catégorie de pluriel, c'est les noms collectifs. Hein. Donc, où là, c'est le pluriel qui est le plus courant. Et après, pour désigner un individu, on fait un singulatif. Par exemple, Gwenand, quand on parle des abeilles, on emploie presque toujours le pluriel, hein, collectif, Gwenand. Et si on veut dire une abeille, on veut dire Orwenanden. Logot, hein, pour les souris, et c'est pareil, on va dire logot hein, pour une seule. Mais en général, on parle des souris à plusieurs. En général, elles sont plusieurs. Ça fait plus de dégâts. Alors, Merian, par exemple. Merian, ce sont les fourmis. Hein, et c'est pareil, on va faire Verienen pour faire une fourmi. Mais presque toujours, on dira Merian. des fourmis, parce que c'est vrai qu'en général, on en c'est a plusieurs. C'est une fourmilière. Oui, c'est une fourmilière, voilà. Alors, même chose pour les mouches caillonnes, hein, et on va faire un singulatif qui est orgaillonnen, qu'on n'entend pas très souvent. Il y a ça dans une chanson d'Iwana Brenberg. Ah, ma grogen lusen, igaillonnen, si la truite prend dans sa mouche pour le pêcheur. Mais c'est assez rare qu'on trouve le mot au singulier. Un autre mot collectif que tout le monde connaît, buzuk. Hein, buzuk, donc, qui est le verbe, qui, les vers de terre en général. David aussi, hein, les moutons, David. Mm. Hein. Donc, pour dire un mouton, on va dire orpen David. Ah, hein. D'accord. Ou alors, bien sûr, si on précise, or mout, puis or nuan. Hein, puis, mais autrement, c'est orpen David, quoi. Et puis, un autre nom collectif aussi, glesker. Hein. Glesker, les grenouilles. Hein. Les grenouilles chez nous. Il y a d'autres mots dans d'autres endroits. Il y a randet aussi, mmh, mais là, c'est, oui, un, plus... là, c'est un pluriel régulier. Hein. Voilà. Et il y a chignande aussi dans, en vante. Bon, ben, on va s'arrêter sur ce son de grenouille. Glesker. Merci, Henri. On passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg dans ma tombe. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg dans ma tombe. Oui, alors aujourd'hui, ça va être un Brezhoneg dans ma tombe un peu particulier, parce que j'ai profité de ce créneau pour parler un peu d'une figure de l'argoite qui vient de s'éteindre, là, et qui était Edmond Ribillet. Et je pense que c'est... Bon, je pense qu'un jour, il faudra faire quelque chose de plus important là-dessus, hein, parce que c'est un personnage à multiples facettes et qui a beaucoup travaillé pour ce pays d'argoite, hein, son argoite, comme il disait. Et donc j'ai quand même voulu, puisque finalement il vient de s'éteindre, j'ai voulu en parler un petit peu, dans l'attente de faire quelque chose de plus important. Alors Edmond Ribillet, bon, était bien connu ici, hein, puisqu'il a exercé le métier de médecin pendant plus de 30 ans à Bourbriac. Et il était, alors il était né à Ploërmel, où sa mère était institutrice en 1926, le 3 août 1926 pour être précis. Et son père était percepteur à Bourbriac, pour d'un taillot, hein, comme on dit en breton. Et il a passé son enfance à Bourbriac et à Guingamp. Et après avoir fait ses études de médecine, il est venu s'installer en 1951 à Calac. Et là, il est resté jusqu'au 31 décembre 1986. Précis. Oui, parce qu'il disait que le 1er janvier 1987, il a pu libérer sa plume. Mais il avait déjà écrit pas mal de choses auparavant, hein. Mais là, il a pu consacrer plus de temps. Alors, c'était un médecin, bien sûr, mais c'était aussi un écrivain et un poète dans l'âme, hein. Il a une plume assez extraordinaire. Et très jeune, il avait écrit des poèmes qui sont restés inédits par la suite. Comme beaucoup de jeunes, hein, font des poèmes qui ne sont jamais publiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque où notre culture était complètement méprisée, lui, il a compris la richesse et la valeur de notre culture et de notre patrimoine. Et très vite, il s'est intéressé donc à Callac et ses environs. Et en 58, il avait écrit un petit bouquin, Guide de Callac et des environs, qui est certainement le premier guide touristique, hein, à avoir été fait en Bretagne intérieure. Il y avait eu d'autres ouvrages, mais là, il s'agissait d'un guide pour non seulement pour les touristes, mais aussi pour les gens du pays et puis les gens qui s'y intéressent. Et il avait créé le syndicat d'initiative de l'Argoite et également le circuit de l'Argoite. Donc il était vraiment précurseur dans ce domaine-là, quoi. Alors c'était un conférencier et un écrivain d'une grande fécondité. Il a écrit des pièces de théâtre, par exemple, qui la plupart n'ont pas été jouées, telle La concentration du soliste, hein, qui est une pièce de théâtre où il y a un seul personnage. Là-dessus aussi, c'était quand même très précurseur. Il a écrit des romans et des récits de vie, hein, comme Monôme en 1958, Le diable est mort à Burtulette, donc en 96, donc 92 plutôt. Bon, beaucoup de gens ont lu ce livre, hein, Le diable est mort à Burtulette. Et d'ailleurs, il avait demandé à être enterré à Burtulette, ce qui a été fait. Il a été enterré dans le cimetière de Burtulette à Saint-Servais. Journal de guerre d'un jeune homme sage en 1993. Pain solitaire sur la lande, un ouvrage amusant. Moi, j'écris ça, mais je ne suis pas docteur. En 2002, un peu sur les perles de ses patients. Voilà, un autre assez amusant aussi, Rendez-vous au lavoir, sur les conversations au lavoir. Hein, voilà. Et puis, alors, il a écrit des ouvrages consacrés donc au patrimoine du pays, qui sont très précieux aujourd'hui, ces ouvrages. Hein. Par exemple, Quand les saints guérissaient, Pierre légendaire, Splendeur et légende de la Bretagne secrète, L'Argoite secret autour de Guingamp, en 1992, hein, et Itinéraire littéraire en Côte d'Armor, en 1998, où il parle des écrivains qui ont parlé de l'Argoite, ou des écrivains de l'Argoite, et il a cité là-dedans et étudié plus de 1000 écrivains. Et alors, c'est un peu une bible, hein, sur le patrimoine littéraire de ce pays. Et à la fin de sa vie, il était plutôt tourné, après le décès de son épouse, il s'est tourné plutôt vers la poésie, et il a publié un recueil, « Ma vie n'est-elle qu'un long poème ?» Voilà, inspiré par le chagrin au décès de son épouse. Donc voilà quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses, qui a travaillé beaucoup, et il est décédé à 86 ans, sans avoir vu se réaliser son rêve le plus cher, qui était la création d'un musée culturel de l'Argoite. Ça n'a pas été fait, mais bon, peut-être qu'un jour, ses successeurs, car il y a des successeurs, des gens qui travaillent, qui ont été inspirés, hein, on peut citer Jean-Paul Roland, par exemple, qui prolonge le travail d'Edmond Rébillet, et peut-être qu'un jour, on aura ce rêve de Rébillet, le musée culturel de l'Argoite qui sera ouvert. Voilà. Donc voilà un peu un bref résumé, hein, d'une vie et d'une œuvre. Très bien, on passe à la troisième partie de l'émission. Eh bien, Petra Zonévé Avro. Thank you. Alors Eric, Petra zone vier vro. Pa calze draouzo e vel just boer vej di ouzan. Krogom de dientan vel custum grand de l'arbre douar. Ba mis meurs ma pejonge calze dut, mam stu de ski an benefin de l'are, oam hont de gard or bla zerour, hein, zer ar oaz mam eus vid de bla mil noor an hoez ag atrugen, ba 1976 e galak, hag vigelar adro un amz ar voz zer ar oaz vid de bla se. Med evel just ne ke bet de 10 tam me bet, hag gwellare de rontre le bet, hein, pu dur zo bet dour hag amz ar yin, hag avel gri, hag benefin ve gwellet ar neus ke moyen de hou de namzer spet vid ar zun ar og. Hag bon ne ke bra l'ar pe sa amz ar rey, na ba mis de heuil. Bon, echu e bremañ neve amzer, tram ne de, ne ke begwal dom, hag bremañ on ba nan de vat, ma vef ebet on tam amzer vra, ma mestra on tam tomder, vef ebet ma de vel juz vid un trevadou, hag vid un dut, gwellet vo, met bon un dut n'en ke vid ur mand bet vize vel ur chans ka hendel vef ebet reuz trede, dern vank fede ka ad amzer zir, dern amzer glip, hag disement kon. Peouan o komz de ze neve amz ar c'hoaz, ne oa rank et hag e peus klevet, pe peus betro de klevet ar goukouk ar blaman. Klevet peus ar goukouk? Non. Mi meus klevet ne di pe de ar gwech, met oa ar zeblan ne oa beir an arl an granteg, pe an eilan ve l'ar el, hag ne oa ke hir ar gano an ganti. Met me meus tra meus pe klevet an di pe de ar gwech. Hag ma trezen e barmo a reyin un amzor, ma trezen de ganda ket tiemet peve hir, peve yin un amzor de war anket. Neus ke pel zo peve komz de strevadou, oa bet ba nou voatou zo ar gerriad en zo tos de razon, hag zo bet enor salon zo riot, hag uire e breiz amman doug un dregant de ze labour, de ze dou ar labouret, ve implijet evit ar riot, de vag an Londres de vel just, hein, zaout lez, pe zaout kit, pe den ve roaz, ba le c'hell. Hag ur gwedman e ur mahamatan eus o moyen de gav vid de Londres se. Pudur vez erret gant de Londres do hen. Vel ar de pochon, ur veur an eus un droc'h er eus yod ba pen rog, hag eus ku ur temz ba pen drin. Hag an se, hag gwellare do veur zo un dra bouiz, vid de labour douar. A setu ba nou voatou oa bet tu de vel tout pesoneve war labour un dro de riot. A kal ze dut zo bet enan evelze evel just gwell pet se oane ba na farz. Vitchon moar dachen el arbour douar ministre neve zo be hanvet ba plaz de notre ou mer notre ou le mer vraiment vel an notre ou mer Alice ou a ministre koz a vraiment e Stéphane Orfol zo ar braizad, hein, put dur deus tu i fan, tu i dat, e deus berian, ba mene ari, a deus tu i van, met deus an trimuel, ba brogalo. Hag, bon, on tan mal de l'or, bon, deus un denz, vid la kan an tro war un, vid de l'or pour douar. Ur pez studiaden, pe on komz deus l'or pour douar, hag deus un endro, ur pez studiaden, zo begret, war amzer de zon Brodriga, hag zevelar de Scott, hein, Scott zo, schéma de cohérence territoriale. Hag komz zo bekaz, justement, deus implij un douar. Pu dur, bret an bremañ vije ke zel le ber deus un douar vid la bourrad, hein. Pu dur vije gret hef jonge al kalz, ba namzor de zon, vije gret kalz dir, kalz kenverjou, hag henchou le dan, hag tamatam dis vije deb d'un douar implijet gant de l'or bon douar. A bremañ bon zo jon de lontan me fe bemad me mestra mont douci kan ganze hag bazer skotz vo klaske despern un douar labour odin da square vo red jon jal pesamo de hadim pli gentir a zo dilez et ba kreiser bourko pesamo zevel un tirne e war tachinou bi an or hag bon kalz et drao edis Bon, puis on compte de ce l'arbre doux à Rouest, très bien dit, salon l'arbre doux à un département, une terre à l'île, avec calze du zobé de Veljust, à Brom avec compte de ce espace, hein, au vos barrois, on va mis gwen golo. Pemple avoir nu gwenzo, à bé crou et d'espace, avec blom, du roi, vous gwel, l'énan Rouest, calze drou, war en dachen. Bah, ma meuscoule, s'vel, erspas, vous grêle battre malga, d'or hen divis, pe or holog, ma peswan, pe vel ard in galag, hein, di war ben un dour. Hag on eubet strolad, ou neus non la que semble, z'évit de, jusma, z'ével or hen divis, bah mis gwen golau. Agar, evel jus, de vos que tiem de dut, vel baspas, ma son vel fe bet, sterf digem arne, battre malga, même meustra, vocal je dut, hein, plus dur, zo gotej de trop trihan de dud, ma trezen vo ba tre malgat, ba mis gwen golo o vit komps, deus un dour a deus perz yu mad un dour. A pe sa mod gant a dour net bavro. Bon, war dachen politiker eus bremañ, zo moyen de l'art de yeshu ur votadegu, hein, votadegu zo bet hir o blanc, hein, plus dur, vije gret vid ur notre président, nag vid un dileni di ba kamb un député et, hag drevraz, me breiz am eet ur maout gant un tuklei war peptachen, ur prezident neve, hein, Fañch Hollande, evel just, deja oa eet gant un tuklei pezvelard Sena, galak ze zo Kambregos, vizor Benefina, ze oa Stern oa Kambregos, hag oa eet deja gant un tuklei, a bremañ kamb un député eet. Hag evel juz o kalz lab o war a blanc on me bar evit de rezo bet dilenet. A kalz a reyo an, enfin a reyo an, re en oan ki rog bopet, zo bet dilenet. Hein. Hag peso zouezuz, breiz am zo bet eed mog an un tuklei, mam eus l'er vije. Vot gwen bet ag bremañ, hein. Ba mor bihan, a ba broleon, biskoaz tiemedel. Zo bet gwelet. Bon, comme son temps de ce événement dur vraiment. Vipezel de ce brison de Basco, loire zeblan ne yak gualvar d'un trou ou pas marmant. Comme je vais calze, mais d'un trou n'en que calze ou aroc. D'asquire bakalak, zo raktrez evit digor in or las diou yezek, galag a brezonek, a bugal e war zo, kaz zo lojer iz vid ur las, med zo war zo jacobine drez in dan o labourat evit harz an trou de von war ok, velve gwelet ali ji oas. Hag ne ke zur tam me bet vo gret bakalak a pes o bet jonge gant a raktrez. Hag o skouer an el, da skouer deus nakemad an trou gant ar brezonek, dreistol vid ar vugal e peso an dru e me mestra. No blaso oa bekrou edo an abaden oa refertri vid ar vugal e oa mouchik dal. Hag an draval oa vid ar vugal e gwelet bugal e el o komz brezonek, klevet an tam brezonek oa skinwell. Hag Hervé Clevet ne vaut que Gretin, puis dur refertri, nous au cas esperneran, à gouscoudé ne grédant que des balbraisons de glacancals eran, puis dur ne voit que bédon tombe à bord de nuque une minute, hag zé ou à bras videur vugrali, hag Hervé Clevet bon ne vaut que Gretin. Bon, Hendel, puis on me compte de ce vénadur, calze drogues au bavro, NDL, bah, botora, ou à digor de Myrdi, war mirdi war brezel diouzon war batriot de bavro benefin hein hag bon ur mirdi bra de vel de calze dra ouve disket ba mirdiz a hindel zo nosteliri zo digor de a dis zo moyen de monde chak a lontan boue de waler hag bon lara randen dun montevelet hein ka talar a boan montevelet bon war dachen zon eres Ur strolad tu de zo labourad ur mar emañ, ou ar ton yo permin, permin de zirhaun guir oa iv mene, a oa be les haun de permin, hag neus bet de labour de war gavoten pa de pujan ni oa zarvet o strolad oa ideal jazz, ze oa rog brez el diouzan, hag jizmat zo bon kalze dun neus bet de bénéfique n'est que bénéfique rôle le calz, hein, mais on ne se que calz, ne se que mes fanchures furent, ni ou à bête, un rôle d'un tombe de ce vive mêlée. Mais de cases en aérien, accordéon, ne sont là qu'au l'air d'Anzé, vel Jean Coitleval, hein, ne sont de zone de cases ton yo Yves Méné, hag bon brémons au strolatude, hag tudiaouan, hag zo labourad war ton yo Yves Méné, a zo war vaugret ur bladen war zé. A ma peu soin de vide chu, il vaut chila ou en tam ton yo de Yves Méné gant le bourg Baudros.